C'est vendredi, vous êtes à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30 pour, comme à tous les vendredis, plonger dans cet univers du 9e art. Et cette semaine, ben, une émission bien variée, on va chercher deux univers, peut-être pensés pour les plus jeunes, mais qui sont tout aussi plaisants pour les plus vieux. En deuxième moitié d'émission, on aura l'occasion de partir à la découverte de l'ouvrage Toucania, d'illustratrice jeunesse Marianne Ferrer. Pour les auditeurs réguliers, ben, vous le savez, je suis un ardent lecteur de bande dessinée, mais également, famille oblige, je suis un ardent lecteur de littérature jeunesse illustrée. Je trouve qu'il y a beaucoup de croisements en différentes approches en termes de langage visuel. Alors, à l'occasion, quand il y a des illustratrices coup de cœur que j'ai l'occasion de croiser au fil de mes lectures, ben, j'aime bien en profiter pour les convier ici pour explorer un brin leur travail. Ce sera le cas de Marianne Ferrer. Sincèrement, depuis quelques années que j'ai l'occasion de découvrir ça et là son travail, je suis estomaqué à chaque fois. Alors, j'ai très hâte de voir justement qu'est-ce qui va en ressortir. J'ose un peu de sa méthode, sa construction et tout particulièrement de cet ouvrage qui, lui, vient juste de sortir. C'est en deuxième moitié d'émission. En première moitié, dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec Maryse Dubuc autour du tome 8 de la série Les Nombris, ex-drag et rock'n'roll. Donc, la suite directe du précédent, évidemment, toujours dans le contexte de cette série qui connaît une grande popularité et avec raison. Un album qui est assurément l'égal des précédents et ben, on aura l'occasion justement d'explorer tout ça donc dans quelques instants avec Maryse. Alors, c'est le menu de l'émission de cette semaine. Évidemment, à travers ça, il y aura aussi quelques commentaires BD qu'on vous proposera. Restez avec nous jusqu'à 18h30. Alors, on s'en va vers la première entrevue de l'édition de cette semaine. Alors, huitième tome donc de la série Les Nombris, ex-drag et rock'n'roll, faire du côté des éditions Dupuis, scénarisé par Dubuc, dessiné par Delaf. Et on prend la scénariste à l'aube d'un départ vers une tournée de lancement européenne. Maryse Dubuc est au bout du fil. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, ben Maryse, en fait, nouvel album des Nombris et il faut le dire, vous nous aviez laissé des belles portes à la suite du dernier et j'imagine quand on ouvre des portes comme celles que vous ouvriez, on ne les ouvre pas avec l'intention de les refermer brusquement, au contraire, en fait. Oui, effectivement, c'est sûr qu'on a pris une petite habitude comme ça de laisser avec un cliffhanger à la fin des albums, puis on est les premiers à se demander qu'est-ce qu'on va faire avec cette suite-là. Et de voir un peu comment on va pouvoir mettre un peu poursuivre ce développement-là. Et parce qu'il faut dire aussi qu'on avait mis beaucoup d'os autour des personnages de Vicky et Jenny dans les derniers albums. J'ai l'impression que dans la structure du huitième tome, on continue ce travail pour les faire évoluer en les mettant devant des choix, des situations qui nécessairement vont avoir pour eux un effet transformateur. Oui, c'est ça. Jenny et Vicky, c'était un peu les deux personnages vraiment superficiels au départ de la série. On avait pris le temps de vraiment beaucoup développer le personnage de Vicky dans les deux, trois derniers albums, avec sa découverte de son homosexualité, ses hésitations, comme ça. Et puis, à ce moment-ci, on a mis un petit peu de lumière aussi sur Jenny, là, qui était le personnage qui pouvait peut-être paraître un peu plus vide, parce que Jenny, c'est la superficielle et celle qui est toujours en quête de beauté. Puis là, on a pris le temps d'approfondir un peu avec ce personnage-là, d'où vient ce besoin-là de toujours aller vers le beau. Et dans ce contexte-là, en fait, je fais une parenthèse, j'ai l'impression que je la fais à peu près à chaque tome, mais il y a vraiment une volonté de votre côté pour de pas rester statique et se donner toujours d'album en album l'opportunité et l'obligation presque de faire évoluer les protagonistes de façon cohérente, logique, dans le contexte d'une série humoristique. Ben c'est ça. Ben nous, c'est ce qui nous excite vraiment là, de prendre des personnages puis de voir à quel point on peut les faire basculer, parce que la personne qu'on était il y a 2 ans, il y a 5 ans, puis surtout dans le cas des personnages jeunes comme notre trio d'adolescentes, au bout de 6 mois, un ado, ça peut avoir changé du tout au tout. Donc c'est un peu ça qu'on veut amener aussi, c'est de montrer que les événements concrets qu'on fait arriver dans la vie de nos personnages, ça les fait évoluer, ça les fait changer. Puis ça affecte aussi, pour nous, en tout cas comme auteur, ça affecte complètement la dynamique qu'on a entre entre les personnages, là, d'avoir au tout départ, on avait Karine qui était la victime des deux autres. Au tome 4, on s'est permis de faire en sorte qu'elle se reprenne en main puis qu'elle arrête de se laisser taper sur la tête. Puis il y a plein de gens qui, suite à ça, croyaient que c'était fini une ombrie, on n'allait pas réussir à reconstruire une dynamique entre les personnages à ce moment-là, puis on l'a fait. Puis à ce moment-ci, là, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas une étape plus loin? T'sais, Karine, c'était la victime, c'était la gentille, c'était celle qui se laissait taper dessus. Et puis si on basculait complètement et que non seulement elle se reprend en main, mais elle devient plus populaire que les deux autres, les Jenny et Vicky étant les reines de l'école, c'était le top de la popularité à l'intérieur de la polyvalente, si on veut. Puis là, de voir qu'on s'est permis en fait de faire avancer Karine encore plus que ça, puis de faire en sorte que elle, sa renommée est encore plus grande, parce que là, elle fait partie d'un groupe de musique et ça devient une vedette, en fait. Et à travers tout ça, enfin, on aussi, on garde un peu l'esprit humoristique, les éléments de gag, de chute qui sont fréquentes à l'intérieur de l'album. On en a parlé au fil des précédents tomes, donc on s'en distance un peu quand même pour offrir une histoire complète. Et dans un contexte où, vous l'avez dit, dans le fond, on se donne la permission de réinventer la dynamique, mais en même temps, en humour, la clé, justement, j'imagine, pour le gag, c'est aussi de comprendre, de maîtriser cette dynamique-là, de la pousser dans différentes directions. Quand on se dit, OK, on réinvente la dynamique, on change, par exemple, on passe d'un duo à un trio, on change la dynamique du trio, il faut se réapproprier cette dynamique-là pour aller chercher et pousser son potentiel humoristique aussi. Oui, bien, ce qui s'est passé avec le tome 8, c'est que, en fait, entre le tome 7 et le tome 8, on a sorti un autre album qui s'appelle Les Vacheries oui. des Nombris, qui est un album vraiment plus axé gag et puis qui reprend les personnages un peu dans leur dynamique de trio des deux bitches et puis de la victime du début. Parce que premièrement, nous, on avait envie de le faire, puis on avait comme pas épuisé, si on veut, les possibilités de la situation de base. Donc, on avait envie d'en refaire un peu de ça, puis d'être un peu moins profondément dans l'histoire, si on veut, parce que là, on a passé par une phase avec un tueur en série, puis plein de grands retournements dans la série. Donc, là, pour le tome 8, on s'était dit, on se donne vraiment une entière liberté qui est de se dire, si on veut faire juste une histoire, là, tu sais, vraiment un album avec une histoire complète, et laisser tomber la contrainte du gag, on se le permet. On s'est donné le droit de laisser faire le gag si on préférait. Et puis, au fil de la rédaction du scénario puis du découpage, on s'est rendu compte que ce rythme-là nous convenait, en fait, le gag. C'était, oui, on avait l'impression de se l'être un peu, quelque part, imposé au départ, parce que, comme les nombris passent à une, deux, trois pages par numéro de l'hebdomadaire Spirou, ben ça fait un peu partie du rythme. Mais là, avec le 8, on s'était dit, bon, ben OK, là, on enlève complètement l'obligation, on va voir ce que ça donne. Mais ce que ça donne, c'est qu'en fait, c'est ça. Je pense que ça fait partie de l'ADN de la série. On a toujours fait du gag. Puis je me demande même, jusqu'à un certain point, est-ce qu'on aurait pu toucher des thèmes aussi graves et aussi crus, si on veut, avec une série tout public comme Les Nombris, si on le faisait pas, justement, par le biais de l'humour? Tu sais, je pense qu'à quelque part, c'est intéressant de faire monter un peu le dramatique ou l'intensité, puis après de dédramatiser, parce que, tu sais, quand ta personnalité se crée comme quand on est jeune, tout est tellement intense, tout est tellement ultime, en fin de page, de temps en temps, de faire une petite pirouette comme ça, un petit pied de nez à l'intensité de la situation. Pour nous, il me semble que ça permet d'amener ça à toutes sortes de types de lecteurs complètement différents. Oui, en fait, d'éviter d'un côté une lourdeur puis une intensité dramatique qui pourrait être trop intense, peut-être, justement, parce que, comme vous le dites, en fond, il y a du contexte, il y a du contenu là-dedans, et en même temps, d'éviter aussi tout le côté moralisateur, parce qu'on fait pas la morale non plus, on amène ces sujets-là, on les met en scène, mais justement, dans le ton qu'on choisit d'amener, on évite un peu, on réussit à éviter ces écueils-là. Oui, c'est ça. On veut éviter, tu sais, le noir et le blanc, éviter de donner les réponses. C'est vraiment notre but, c'est de, tu sais, amener des thèmes, c'est s'amuser à parler. Dans le tome 8, on parle de célébrité quasi instantanée, du culte de l'image, Jenny qui a tellement toujours aimé les belles choses, mais là, tout à coup, elle se rend compte qu'elle est amoureuse d'un je reprends ses propres mots, là, un gros moche, mais est-ce qu'elle est capable de passer par-dessus ça pour vivre un véritable amour? Tu sais, la vie est faite de ça. La vie, souvent, on se pose des questions, puis chaque chose qu'on vit, on le vit toujours pour la première fois, puis on n'a pas le temps de se pratiquer puis de savoir. On saura jamais si on a pris la bonne décision, mais on veut amener un peu la même chose avec nos personnages. Karine fait un gros choix dans le tome 8 qui est, à quelque part, on pourrait dire, un peu contraire à sa personnalité profonde, ou en tout cas celle qu'on avait amenée à la base, mais qui est, en tout cas, à mon avis, justifiée dans l'histoire. On l'a amenée à faire ça et on ne dit pas si c'est la bonne... Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce qu'elle devait faire ça à ce moment-là? Nous, notre but, c'est que les gens se posent des questions, puis idéalement, en discutent suite à la lecture de l'album pour, quelque part, justement, aider à former la personnalité, former les opinions, puis apprendre, tu sais, à quelque part, justement, pourquoi est-ce qu'on lit? Souvent dans la vie, c'est ça, on lit parce qu'on veut vivre une autre vie, vivre une autre expérience, puis apprendre de ça. Donc, on essaie de mélanger la légèreté et la sensation d'avoir parcouru du chemin avec un personnage. Oui, puis c'est un point intéressant qu'on amène juste la parenthèse sur la discussion. Je trouve que c'est effectivement le cas. À la lecture de l'album, on imagine facilement, dans le fond, autant de lecteurs dans une pause entre deux cours échanger sur les décisions. C'est des questions morales qui pourraient pratiquement être amenées dans un contexte philosophique, si on peut dire, tout particulièrement le cas de Karine, mais d'autres cas aussi sur l'impact des décisions, sur ce qui nous amène à prendre ces décisions-là, autant entre parents puis adolescents aussi, autant comme parents ou également. Donc, le côté moral amène une certaine universalité, j'ai l'impression, aux propos plus adolescents, si on peut dire, qu'on amène dans l'histoire, dans l'action, dans la situation précise des personnages. Oui, c'est ça. Les nombreux, pour nous, c'est vraiment juste un prétexte, dans le fond, pour traiter un peu des grands sujets de société ou des trucs qui font partie de la réalité de 2018, si on veut. On est dans une société qui se veut quand même assez adolescente. Les gens veulent pas vieillir, les gens veulent continuer à vivre un peu une vie d'adolescent quand même assez longtemps. Donc, c'est que nos personnages soient adolescents, pour nous, c'est quasi juste un prétexte, puis ça nous est utile en ce sens où, quelque part, peut-être que leurs erreurs ou leurs hésitations paraissent plus excusables. Ou plus intenses, en fait. Ils vivent plus intensément. Oui. Donc, ça permet d'aller plus loin aussi dans les situations. Puis on se pose pas de questions parce que, justement, l'adolescence excuse cette intensité-là aussi. C'est ça. Ça donne un droit à l'erreur. Mais en même temps, comme adulte, comme je le disais tantôt, c'est ça. On vit toute notre vie pour la première fois. Puis commettre des erreurs, c'est faut être conscient qu'on ne sait jamais si on prend les bons choix. Puis ça nous amène à la meilleure place où ça aurait pu nous amener. Puis on prend nos décisions, effectivement, parce qu'on vient de croiser une personne qui nous a influencé d'une certaine façon, parce qu'on a entendu, on a lu. On est influencé par tellement de choses. Puis c'est ça, c'est à quelque part, les nombris, c'est un peu ça, parce que c'est vraiment trois destins, c'est trois filles qui sont amies et parfois très ennemies aussi. Entre autres, dans le tome 8, il y a vraiment Vicky qui fait un coup de chien à Jenny qui est assez assez fabuleux. Donc, c'est des destins qui se croisent et qui s'influencent. On essaie de faire en sorte qu'un personnage ait sur l'autre une influence et nous le mette en lumière d'une façon différente. Et à travers ça, ben, on revient un peu à l'idée de jouer avec la dynamique. L'exemple de Vicky et Jenny est bon, où déjà on sort un peu Karine, du trio. On l'amène dans son histoire, son récit à elle, sa célébrité. En parallèle, dans le fond, il y a Vicky et Jenny qui évoluent de leur côté et qui se font justement cette base vacherie-là qui change complètement la vie de l'une aussi. Donc, qui change aussi la dynamique du récit, qui va changer à terme le regard qu'on porte sur ce personnage-là. Donc, j'imagine que, en fait, le détail se fait pour arriver à ces ingrédients-là, les organiser. On procède comment pour bien les équilibrer aussi? Puis, je veux dire, c'est tout en finesse, tout ce que vous proposez là-dedans, là, je trouve, en tout cas. C'est vrai qu'au niveau du scénario, on a écrit et réécrit cet album-là, ben, comme on le fait un peu toujours aussi, parce qu'effectivement, l'équilibre entre les trois personnages, à un moment donné, c'est sûr qu'on part sur l'histoire de un, puis là, ça fait « Ah, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Vicky. Ah, bon, mais on va repartir un peu sur Vicky. Ah, mais là, il y a Jenny. » Tu sais, c'est vrai que c'est très dense, les nombrils. Puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent « OK, j'arrive dans la série comme ça, au tome 7, au tome 8, il y a trop de choses. C'est dense. » Mais nous, on a travaillé super fort pour en réalité essayer d'alléger tout ça puis de le rendre digeste, si on veut. Là, à quelque part, la plus grande partie de notre temps ou de notre effort mental est consacrée à tout ce qu'on n'a pas mis dans l'album parce qu'à un moment donné, il y a juste 44 à 48 pages et puis il y a trois personnages. Donc, il faut vraiment sélectionner. Mais en même temps, on tient à ce que ce qui est là, qu'on voit arriver au personnage, que ce soit vraiment, ça fasse vraiment partie du vécu du personnage, puis que le lecteur puisse comprendre, même quand le lecteur voit le personnage faire une erreur, qu'il puisse comprendre que cette erreur-là a été commise et non pas être frustré là, par le personnage qui fait le truc qu'on veut pas qu'il fasse. Et justement, j'imagine que le fait d'avoir construit ces personnages-là au fil des tomes, au fil du développement, d'en arriver à maîtriser comme scénariste, autant comme dessinateur, des personnages tridimensionnels, ça vous permet aussi à vous, comme auteur, de bien comprendre pourquoi tel personnage va prendre cette décision-là, de pas nécessairement dire qu'il a tort ou raison, mais au moins de pouvoir savoir pourquoi, à ce moment donné précis-là, il va faire ce choix précis-là. Oui, c'est ça. Ces trois personnages ont tellement des backgrounds différents, puis ils évoluent différemment. Ils ont des forces et des faiblesses qui sont pas les mêmes. T'sais. Là, vraiment, on avait Jenny qui était le personnage superficiel. Puis dans cet album-ci, finalement, à quelque part, ça se retrouve à être elle qui est la plus grounded. C'est elle qui prend les bonnes décisions et qui influence, en tout cas au moins une de ses amies, dans la bonne direction. Ouais, c'est pas le personnage le plus intelligent, puis elle nous a servi beaucoup au niveau de l'humour avec son côté stupide et superficiel, mais elle a une certaine intelligence émotionnelle qui cette fois-ci est vraiment à quelque part mise de l'avant, que nous on ressentait depuis longtemps, mais que cette fois-ci Jenny prend les choses en main, puis à quelque part elle s'organise pour créer son propre bonheur. Et j'imagine que dans des contextes comme ça, autant que dans le contexte des gags, si on parle des vacheries aussi en parallèle, qu'il y a une dynamique entre Maryse Dubuc et Delaf pour en ce qui concerne la création de tout ça, dans la mesure où vous deux, vous avez chacun vos particularités, votre sens de l'humour, vous fonctionnez bien en équipe aussi, et nécessairement, j'imagine en fait qu'il doit y avoir une discussion, que certains éléments vont faire plus à l'un, plus à l'autre, voire même des débats parfois, ou... Ah oui, c'est sûr. Étant en couple en plus, c'est sûr que tout est sujet à débat, mais oui, puis des fois ça tient tellement à pas grand chose. C'est du essai et erreur. Là, c'est vraiment au niveau du découpage, je dirais que c'est l'étape clairement qui, pour nous, est la plus importante créativement, parce que là tu vois si ça passe ou ça casse là, vraiment ce que tu as créé au niveau du scénario. Puis la job suivante étant le dessin prend beaucoup, beaucoup de temps, mais est plutôt c'est Marc qui le dit comme ça, là, je reprends ses mots, mais c'est de la job de bras, là. C'est vraiment la partie où bon, il faut exécuter et c'est chronophage, mais c'est pas c'est moins propre ou c'est moins à la base au niveau créatif, mais le découpage, là, c'est vraiment le moment où on essaie de mettre en image, mettre sur papier ce qu'on imaginait en scénario. Et là, on voit si ça passe. Est-ce que c'est le rythme? Est-ce qu'on comprend bien le personnage? Au niveau du découpage, on fait beaucoup de... On discute beaucoup aussi. Là, mais je pense qu'on discute beaucoup à chaque étape, pour dire la vérité. Là, c'est vraiment un travail de... À quatre mains, à deux cerveaux. Et j'imagine dans un contexte comme ça, où on sait aussi, la série est extrêmement populaire, c'est dans les gros tirages, il y a des attentes aussi des fans, les albums, il y a des gens qui comptent les jours avant que ça arrive. Et le fait d'être justement en création, en campagne, en estrie, avec la possibilité, j'imagine, de se faire une bulle de création, ça doit donner un coup de pouce pour pas se faire emporter aussi par cette pression-là, puis par ces attentes-là, peut-être. Oui, c'est vrai que en même temps, maintenant avec Facebook, il y a un forum sur le site de Spirou.com qui est super actif avec où il y a comme un petit groupe de gens qui discutent, mais ils dissèquent sortent de nos cases, de nos bulles. À chaque fois qu'ils voient paraître des pages dans Spirou, ils discutent pendant des pages et des pages de ils vont, tu sais, je me disais, à la limite, ils vont quasiment encore plus en profondeur que nous. Ils créent des théories à n'en plus finir. Donc, c'est vraiment impressionnant. Là. Il y en a une, entre autres, qui a trouvé que c'était trop long, la sortie, le temps entre la sortie du 7 et du 8. Elle a écrit sa version de son mute. Elle en a fait un roman. Je veux dire... Wow! ce qu'on n'a pas lu, évidemment, parce que là, on n'allait pas risquer de mélanger un peu les influences, mais c'est fou de voir que les gens il y a des gens qui vraiment s'identifient au personnage, sont vraiment impatients de savoir ce qui va arriver pour la suite et analysent pour essayer de pouvoir deviner, parce qu'eux l'ont lu, c'est ça, une semaine à la fois, là, à quelques pages par semaine, donc avaient le temps d'analyser chacune des actions des personnages en se demandant qu'est-ce qu'on allait faire dans la suivante. Et dans ces situations-là, est-ce que comme créateur, on se dit parfois on va aller voir justement un peu ces analyses-là pour voir ce qui en ressort, pour faire le comparatif, ou au contraire, on essaie de justement, à tout le moins jusqu'à temps que l'album soit terminé, d'en rester un peu éloigné pour justement pas complexifier quelque chose qui est déjà complexe? Ben, c'est sûr que nous les pages passent dans Spirou en ce moment. Ben là, ça se termine, je pense, cette semaine. Mais nous, déjà, de toute façon, l'album est écrit et découpé. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on scénarise tout. Après, on découpe tout. Puis ensuite, ben il reste la partie dessin et couleur qui se fait, elle, un peu plus au fur et à mesure. Mais on peut pas aller, de toute façon, changer parce que c'est un château de cartes. Si on change un truc, on défait plein d'autres machins en même temps, mais on a des attitudes différentes par rapport à ça. Marc suit de plus près que moi ce forum-là, alors que moi, effectivement, je préfère m'en tenir un peu éloignée parce qu'à un moment donné, ça va loin. Là, il y en a une, elle donnait une note à nos cases, une case à la fois, pas une page à la fois, une case à la fois. Ça va loin quand même. Et j'imagine, de toute façon, éventuellement, il y aura potentiel de replonger puis d'offrir les uchronies des nombris puis voir un peu les chemins alternatifs que vous auriez pu prendre. Ah oui, il y a tellement de possibilités. Là, parfois, à quelque part, on choisit une option plutôt que l'autre parce qu'il faut un petit peu s'adapter au format et faire en sorte que ce soit optimal dans le format en tant que tel, parce que c'est ça, il y a des versions, je pense que la version de scénario, là, tu sais, au niveau le format Word, le document Word du scénario qui a vraiment donné naissance au tome 8, je pense que c'était le 7.9.3, un truc du genre, en tout cas, puis c'est les versions précédentes, c'est pas qu'on les aimait pas, mais c'est que il aurait été plus justifié dans un contrat, un album, par exemple, de 72 pages, ou pour du 44 à 48 pages, il fallait raccourcir. Puis là, tu prends un scénario, tu raccourcis, quand il faut que tu enlèves quasiment la moitié de tes éléments, après, tu as un truc avec des trous. Puis ça se tient pas, puis on comprend plus pourquoi les personnages agissent. Donc là, à ce moment-là, il fallait redémarrer, puis se reposer les questions de base. Qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi on le raconte? Vers quoi on voulait amener nos personnages? Puis redémarrer les choses à quelque part avec une vision complètement différente. Oui, puis c'est la force, en fait, le format, en fait, qui impose un peu d'aller à l'essentiel. Et après ça, la maîtrise qui permet de maximiser l'essentiel, de le garder souple, de le garder clair. Et ça, justement, ben, vous le disiez tantôt, c'est les 13, 15, 50 versions du scénario qui permettent d'en arriver là, au bout du compte. Et, ouais, et le storyboard et le reste, là. Beaucoup, beaucoup d'allers-retours, beaucoup, beaucoup de questionnements. Puis aussi, d'essayer de se relire en prenant du recul, puis en essayant de se mettre dans la peau d'un lecteur, puis de se dire, bon, mais nous, on sait pourquoi on a mis les choses là, mais est-ce qu'un lecteur, est-ce qu'il comprend les mêmes choses que nous, ou sans comprendre les mêmes choses, au moins, est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il adhère à ce qui arrive? Est-ce qu'on a un peu des lecteurs externes, justement, pour tester des fois quand on n'arrive pas à... Parce qu'on doit avoir le nez dedans aussi. Je veux dire, vous vivez là-dedans pendant des semaines, des mois. Ouais, ben non. On le fait pas mal juste à nous deux. Comme lecteur externe, on a notre éditeur chez Dupuis, Benoît Fripia, et puis notre assistante qui s'occupe aussi du community management de la série, qui travaille quelques jours à la maison par semaine. Donc, elle aussi, c'est notre premier test. Mais au moment où on le fait lire, on est rendu tellement loin, si on veut. On fait lire des découpages. On est rendu tellement loin qu'on peut retoucher des choses s'il y a vraiment des petites incompréhensions, mais on ne peut plus changer tant que ça l'histoire. Et dans le contexte justement de faire évoluer l'histoire, donc on ouvre des portes, c'est le cas aussi au tome 8, c'était le cas au tome 7, et etc. Est-ce que déjà, en terminant le tome 8, vous savez déjà où vous voulez amener les filles en lien avec les questionnements, les choix que vous leur faites faire dans le tome 9, dans le tome 10, etc. Ou est-ce que justement on se laisse cette porte ouverte-là, on se laisse un temps de respiration, et ensuite on se pose la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces choix-là, c'est quoi les conséquences des décisions qui ont été prises? Bien, il y a un peu des deux. Et c'est sûr qu'on sait ce qu'on veut faire pour la suite de la série. On sait que Les Nombrils, on l'a toujours vu comme étant une série qui aura une fin. C'est pas une série infinie, là. Donc là, on s'imagine une dizaine d'albums. Donc pour nous, on se déplace tranquillement vers ce qui se rapproche d'une conclusion. N'empêche que ça se peut qu'on se trompe et que finalement, on fasse un album de plus ou de moins. Tout est possible. Donc, on a encore des événements importants à faire arriver à chacun des personnages. Mais en même temps, ça bouge, ça se déplace. Là. Il suffit qu'on dise qu'on est sûr d'une chose pour qu'ensuite on la change. C'est vraiment typique de notre façon de travailler, je pense. Donc, il y a un peu de tout ça. On place un peu des éléments pour se diriger là où on veut se diriger. Mais d'un autre côté, à chaque album, on se retrouve quand même à privilégier que l'album en tant que tel mène à une fin qui soit palpitante, qui soit intéressante, que l'album, même pris à part de la série, se vaille, si on veut, qu'il y ait un thème qui regroupe tout ça, que ça amène une certaine réflexion. Donc, on essaie que l'album ait une valeur en tant qu'unité, et non pas seulement en tant que morceau dans l'évolution de la série. Oui, que chaque album se distingue justement bien, par la thématique, le ton, etc. Mais effectivement, j'en dose entièrement dans la mesure où cet album-là, à la fin, les choix sont faits. On a envie de savoir qu'est-ce qui va arriver après, mais si ça finit là, c'est une fin aussi, dans le fond. Il y a des conséquences immédiates qui sont assumées, si on peut dire. Oui, c'est ça. On voit que les personnages, dans le fond, c'était un peu ça qui nous intéressait pour cet album-là, de dire, tu sais, ils s'approchent plus de la... Ils ont vieilli, ils sont rendus plus proches de la fin de l'adolescence, si on veut. Et puis, ils commencent elles-mêmes, dans le fond, commencent à sentir que les décisions qu'ils prennent vont influencer le reste de leur vie. Puis, c'est ça nous amusait de montrer qu'ils commencent à... Tu sais, il y a cet âge-là, là, vers secondaire 4-5, où tu commences à devoir prendre tes décisions d'études, est-ce que tu poursuis, dans quelle direction, est-ce que tu vas en voyage. C'est des vraies décisions, en fait. C'est des vraies décisions, puis ça va vraiment... Tu prends cette décision-là à partir de presque aucun élément, tu te connais pas tant que ça à cet âge-là, tu n'as pas eu le temps d'explorer tant de choses que ça, donc tu sens que c'est important, puis tu veux pas te tromper, mais en même temps, mon Dieu, c'est pas évident quand même quand on y pense là, de prendre des décisions de vie à cet âge-là. Alors, on peut découvrir les décisions que vous leur faites prendre à ces trois protagonistes des Nombrils. Donc, dans ce tome 8, ex-drag et rock'n'roll. Maryse Dubuc, merci beaucoup. C'est un plaisir, Raymond. Et bonne tournée européenne. Vous partez demain? Demain, on boucle les valises, puis dimanche, on est dans l'avion. Excellent. Alors, on suit ça à distance sur Facebook et ailleurs. Alors, bonne tournée de lancement et merci. Merci, Raymond. Bye-bye. Au revoir. Alors voilà, donc c'était Maryse Dubuc, donc je rappelle, scénariste de cette série, Les Nombris, aux côtés de Delaf au dessin, donc tome 8, ex-drag et rock'n'roll, qui va être disponible le 8, donc du côté des éditions Dupuis. êtes toujours à l'écoute de la vie en BD. C'est Gamergate qui nous accompagne cette semaine avec son album Jimmy Slater. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, toujours ici sur les ondes du 89.1. Et ben, avant de passer à notre prochaine entrevue, on a un petit peu de temps, alors prenons-le pour parler de quelques titres que j'ai eu l'occasion de lire tout récemment. Entre autres, Pauvre Disney de Charles Forsman, bande dessinée qui m'a vraiment, vraiment agréablement surprise. Donc, c'est du côté, si je ne me trompe pas, de l'employé du mois. Donc, on suit le parcours, en fait, d'une adolescente racontée un peu de façon, je dirais, journal intime. Donc, première personne, donc on voit un peu ses impressions, ses perspectives. D'emblée, en fait, donc, un récit d'adolescence marginale typique, en fait, un côté typique qui peut en ressortir. Donc, elle a une adolescente lambda qui se débat avec la vie, qui n'est pas satisfaite de son physique qu'elle juge ingrat. Un petit côté Olive Oil, peut-être un peu dans le dessin. Un petit côté Schultz, d'ailleurs, aussi dans certaines manières d'amener les personnages. Donc, elle n'a pas une vie de famille extraordinaire. Elle s'ennuie au collège. Elle, disons, tente des expériences. Bon, les relations ne vont pas très bien avec sa mère. Et finalement, en grattant, ben, on apprend aussi qu'elle a eu un père qui est désormais décédé, qui, ce père-là, avait été alarmé, qui était revenu traumatisé, si on peut dire, de cette expérience-là, qui avait resté avec plusieurs défis, si on peut dire. Et donc, il y a ce contexte, entre guillemets, typique qu'on découvre, mais qui est empreint d'humanité, en fait, typique pas dans le sens négatif du terme. Donc, c'est bien amené, c'est bien dosé, c'est bien structuré. Et à travers ça, on nous apprend aussi, on nous développe un autre angle qui est peut-être un petit côté fantastique, si on peut dire, qui est aussi extrêmement stimulant. Donc, on découvre que quand elle vit de grandes émotions, quand elle vit de grandes colères, de grandes tristesses, eh ben, il y a quelque chose qui se passe en elle. Elle est capable d'avoir donc une influence sur les personnes qui l'entourent. Donc, elle est capable de causer de la douleur, elle est capable de causer la mort. Donc, ça ajoute également à la dimension qu'on nous propose là-dedans. Et donc, tranquillement, on nous construit ce personnage-là qui, d'un côté, cherche à cheminer de manière normale, mais qui, de l'autre, dans ce contexte émotionnel-là, ben a des conséquences plus grandes dans, justement, autant dans la colère, on en parlait tantôt, que la honte, qui peut lui amener aussi des douleurs, des défis particuliers, que le plaisir sexuel qui l'amène à un relâchement qui lui fait perdre le contrôle qu'elle a sur ses émotions aussi. Donc, ça ajoute à la dynamique de ce personnage-là et à la compréhension qu'on fait de ce personnage-là. Et donc, dans le contexte du récit de Forsman, eh bien, on nous bâtit, dans le fond, le quotidien de cet individu-là qui, finalement, est hors norme en ayant l'air typique. On nous construit la réflexion de ce personnage-là. On nous dévoile des facettes de ce personnage-là. On nous présente des hésitations, des expériences, des envies. Toujours dans un contexte, si vous me permettez l'anglicisme, très grounded, très concret, très réaliste. Et ce contexte et ce quotidien réaliste-là, c'est aussi extrêmement stimulant dans la mesure où il vient contraster avec, justement, la violence de ses émotions et de l'expression de ses émotions-là, avec le fantastique également, avec la sagesse que ce personnage-là peut avoir, avec les relations qu'elle va vouloir construire là. C'est vraiment un récit riche en dimensions et finalement, en fait, une lecture, je savais pas exactement à quoi m'attendre. Parfois, je me laisse aller à ne pas lire le quatrième de couverture. Donc, on a un dessin qui est quand même très standard, donc qui est bien fait, qui est souple, qui est agile, mais qui est simple également. Les comparaisons avec Schultz ou avec, notamment, en fait, viennent un peu renforcer cette perception-là que je vous ayez en tête. Et donc, tout ça, ça fonctionne. Alors, si c'est un peu un premier tome, j'ai l'impression, j'espère, parce que je veux savoir ce qui se passe par la suite, mais on est vraiment dans un récit qui est surprenant, qui est agréable, qui est réussi. Et si vous avez l'occasion de le croiser en librairie, là, et que la description émotive, peut-être que je vous en ai faite, vous plaît, mais peut-être que c'est un récit qui pourra vous intéresser. Donc, Pauvre Sydney de Charles Forsman. Sinon, on change de registre, on reste peut-être dans le style d'un dessin relativement simple. Je l'ai reçu au début de l'automne, et là finalement on est en novembre, j'ai eu le temps de vous en parler. On va essayer de se donner un peu plus de temps justement pour échanger sur les albums. Mais c'est le Guide du mauvais père, le tome 4. Je sais pas si vous avez suivi cette série. Guy Delisle, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et évidemment, je l'aime beaucoup comme d'autres pour son produit documentaire, ses chroniques qui sont tout à fait excellentes, qui nous a amené aussi dans Avec S'enfuir, dans un récit extrêmement prenant, extrêmement puissant. Et qui, avec le guide du mauvais père, ben, nous amène plutôt dans un registre humoristique, dans un registre familial, dans ce registre de parents indignes qu'on voit, qu'on a vu éclore, en fait, au fil des dernières années. Je sais pas qu'est-ce que ça nous indique comme société, d'ailleurs, d'apprécier autant, de se mettre en scène comme parents dans des situations indignes comme celle-là, de la mère indigne aux chroniques familiales, au guide du mauvais père. Il reste entre les deux. Mais ça reste rigolo et ça reste décomplexant de voir exprimer peut-être de manière, plus intense les petite réflexion plus, disons, ratoureuse, à défaut de meilleurs termes, qu'on peut avoir par rapport à nos enfants. Et ben, Guy Delisle le fait bien, justement, dans le contexte du guide du mauvais père. Donc, il y a de l'amour là-dedans, on le sent, il y a beaucoup d'humour, il y a de l'autodérision aussi dans tout ça, dans son rôle de père, dans sa capacité à saisir, à comprendre, si on peut dire, ses enfants, la réalité qu'ils ont. Et évidemment, dans la structure, ça ressemble beaucoup aux trois précédents tomes. Donc, des anecdotes du quotidien, des petits clins d'œil, ça se lit très rapidement. Et j'aurais envie de dire, si vous avez aimé les trois premiers, vous allez apprécier le quatrième si vous ne l'avez pas encore acheté ou lu. Si vous n'avez pas aimé les trois premiers, ben c'est clair qu'au rendu au quatrième, que je vous dise ce qui est bon, qui est pas bon, ça changera pas grand-chose. Cela dit, l'élément que j'ai trouvé intéressant là-dedans et dans lequel Guy Delisle m'a surpris, c'est dans sa capacité à sortir un peu de ce cadre humoristique dans lequel il représente depuis quand même pas mal d'années ses enfants relativement jeunes. Enfin, on les sent peut-être 5 ans, 8 ans, 7 ans. C'est des petits. Mais évidemment, dans le contexte des années qui ont passé, ses enfants ont vieilli, ont pris en âge, ont changé. Et à un moment donné, dans ce récit-là, je vous livre le punch, mais c'est pas grave, là. J'espère, en tout cas. Mais il nous les représente et il réalise en cours de route à quel point ils ont vieilli. Et toute cette réflexion qu'on peut avoir comme parents, de l'image qu'on garde de nos enfants, qu'on perçoit parfois un peu plus vieux qu'ils ne sont pour vrai, et parfois aussi qu'on peut percevoir comme plus jeunes qu'ils ne sont vraiment. Et subitement, donc dans le contexte de son récit, il nous assène cette révélation qui est celle de tout parent, qui est absolument pas originale dans tout ça, mais de l'amener justement de la façon dont il l'amène, cette réalisation-là, ça nous amène à la refaire ou à la faire en avance, on peut dire aussi, et ça amène le récit dans un cadre et dans un contexte émotionnel dans lequel je ne m'étais pas attendu à voir ce récit-là aller. Alors, dans ce contexte-là, j'ai trouvé que contrairement aux trois premiers tomes, ben, il réussit peut-être à distinguer celui-là dans le contexte de cette finale qui peut-être, j'imagine, vient mettre un point aussi à son cycle du mauvais père, mais vraiment, en fait, là-dessus, et c'est tout à l'honneur, je pense, et du talent de Guy Delisle comme auteur, mais de réussir justement à nous amener vers cette conclusion-là, à nous placer, à nous proposer cette conclusion-là, et à nous asséner peut-être un peu cette conclusion-là aussi, eh bien, c'est tout à l'honneur de son talent d'auteur que ça réussisse justement dans le contexte du type de récit qu'il nous propose à avoir un effet réel, tangible pour le lecteur. Alors pour ça quand même, le quatrième se distingue. Donc si vous hésitiez entre le troisième et le quatrième, vous avez déjà les trois, vous avez fait ce chemin-là. Permettez-vous peut-être cette finale à laquelle il nous invite. Alors voilà donc pour ces deux clins d'œil-là. Donc je rappelle, le guide du mauvais père, c'est de Guy Delisle et c'est chez Delcourt. Alors on repart en musique. Je vous rappelle également, avant de se lancer, que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook. On y est quand même pas mal actifs. facebook.com/lavieenbd. Vous êtes déjà plus de 1000 personnes à nous suivre et on espère qu'on en aura plusieurs centaines d'autres également. Toujours plus agréable de prêcher à la foule. Et également, ben, je vous rappelle aussi que nos balado-diffusions seront bientôt disponibles sur lavieenbd.wordpress.com également. Alors voilà, on repart en musique, toujours avec Gamergate. Et voilà autre extrait de Gamergate qu'on vous propose ici à la vie en BD. Et ben, tel qu'annoncé en début d'émission, on aime ouvrir sporadiquement nos sujets vers d'autres styles, d'autres langages visuels. Et entre autres, étant moi-même un ardent consommateur de livres illustrés jeunesse, c'est entre autres souvent vers cet univers-là vers lequel j'ai le réflexe de m'en aller quand on choisit d'ouvrir comme ça un peu la thématique de l'émission. Et sporadiquement, on rencontre au fil des lecteurs des illustratrices ou des illustrateurs qui nous font quelque chose et duquel on apprécie particulièrement le travail et avec qui on a envie de jaser un brin. Alors on profite justement de la sortie du livre Toucania chez Monsieur Ed pour jaser avec l'une de celles-ci. Alors Marianne Ferrer est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être on peut commencer. On parlait de Toucania, justement. Donc, on pourrait commencer par présenter le livre que j'ai perçu un peu, vous me direz, comme une véritable invitation au voyage, à l'imagination, à l'exploration. Oui, absolument. Alors, Toucania, c'est vraiment l'histoire d'une jeune docteur biologiste qui fait son voyage à l'île de Toucania, qui ne paraît qu'une fois chaque 50 ans à cause de la brume qui la couvre. Alors, elle va continuer les recherches de son grand-père, qui aussi était un grand docteur, afin de tout catégoriser et découvrir les animaux, la flore et la faune de Toucania. Et dans tout ça, évidemment, puisqu'on a catégorisé la faune, on la découvre justement, et donc au fil des pages, vous inventez une série de nouvelles créatures, des croisements entre une espèce et une autre. Il y a un côté énumératif un peu au bouquin, et j'imagine qu'on s'est amusé à imaginer ces croisements-là et à imaginer comment ils s'exprimeraient biologiquement aussi presque. Oui, absolument. Alors, moi, je suis une grande amante des animaux. Alors, c'était vraiment amusant de juste chercher à quelle combinaison est-ce que je peux inventer et voir si ça ressemble aussi. Et comment ils peuvent survivre dans cet environnement qui est si unique. Et est-ce qu'on fait beaucoup d'aller-retour justement pour réussir à cibler le côté, le zoo, si on peut dire, ou les animaux que vous voulez proposer? Parce qu'il y a beaucoup d'idées là-dedans, et j'imagine qu'il y en a eu encore plus avant la page. Oui, non, il y en a eu beaucoup, mais on a fait un peu d'édition, Valérie et moi. Elle a fait quelques mélanges de mots, elle aussi. Alors moi, j'ai créé l'animal à partir de ça. Alors, on a fait quand même une belle collaboration pour ce zoo. Oui, parce que c'est vrai, en fait, il faut que les noms, et ça, c'est important qu'on le souligne, les noms se disent bien, en fait. Donc, il y a un côté grammatical aussi, autant que biologique, au métissage. Mm-hmm, oui, parce qu'au début, le livre était supposé d'être un abécédaire. Alors, chaque animal suivait un nom à partir d'une lettre, justement, suivant l'ordre alphabétique, mais c'était déjà trop compliqué. Alors, tant qu'à y être, on va juste... se concentrer sur les animaux et juste faire des combinaisons un peu est vraiment le fun pour tout le monde, mais sans besoin de trop se compliquer la vie non plus. Et en même temps, ce que je trouvais particulièrement chouette dans Toucania, c'est que souvent, en littérature jeunesse, on le sait, il y a beaucoup comme ça d'inventaires, de livres où on nous propose une série de situations similaires, mais où j'ai l'impression que l'action avance pas, progresse pas. Dans le cas de Toucania, justement, parce que on suit cette petite fille-là qui est sur la trace de son grand-père, il y a une petite quête, il y a un chemin, et ça garde le récit en mouvement, en fait. Au-delà, justement, du plaisir de découvrir quelle créature vous nous réservez à la page suivante, on a envie de suivre le parcours de cette petite fille-là. Oui, justement, parce que l'accès est limité, alors il y a un temps où il faut partir de l'île aussi, mais ça m'aide vraiment juste à découvrir le plus possible. et d'où est venue l'idée? En fait, c'est un peu l'idée de l'abécédaire qui a servi de démarrage à Toucania? Ou est-ce qu'il y avait une idée en parallèle de celle-là? C'est juste parce que Toucania est un projet que j'ai pensé à ça depuis plusieurs années. Alors, je le mijote un peu depuis longtemps. alors, au début, c'était supposé d'être un abécédaire vraiment juste basé sur un projet scolaire à l'université, qui était basé sur justement cet abécédaire, mais on est parti loin de ce concept juste pour garder le cœur de l'histoire. Et puis après ça, dans le fond, on développe les aspects mythologiques, on explique pourquoi ces animaux-là existent, etc., etc. Mm-hmm, oui. Et ça permet d'ajouter un peu un contexte émotif aussi, parce que dans le fond, pour elle, c'est la première fois qu'elle découvre ça, c'est peut-être la seule fois qu'elle va voir cette île-là, selon l'évolution de sa vie. Alors, l'aspect mythologique de l'île ajoute des couches, je trouve, à la visite, en fait, où on sent qu'on est avec elle dans un moment unique, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est le but, c'est d'apprécier ce qu'on a autour de nous parce qu'on ne sait jamais quand ça peut disparaître, surtout avec le changement climatique et tout ce qui se passe autour du monde. Il faut, même les animaux qui existent pour vrai dans notre univers, il faut les protéger et les catégoriser et toujours continuer à en découvrir parce qu'on ne sait jamais comment la vie va survivre. Et dans le contexte de travail, en fait, j'ai lu dans une entrevue que ce soit pour Toucania ou un autre, mais on commençait avec des crayons de cire sur papier d'imprimante, on explorait un peu sur papier avant de tomber sur d'autres médiums. Oui, c'est ça. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment de commencer direct dans la couleur, peu importe si c'est au crayon de cire, au marqueur, à l'aquarelle. Vraiment, juste de mettre de la couleur sur du papier, de mettre des formes. Juste pour utiliser un peu du crayon à mine, qui est juste une ligne. Alors, juste apporter un peu plus de dimension dans l'esquisse, parce que comme ça, ça enrichit le produit fini. Puis en même temps, j'imagine, est-ce qu'il y a un peu une dynamique où on cherche une couleur dominante ou une ambiance dominante? Parce que si on compare, par exemple, avec le jardin invisible, qui est votre précédent chez Monsieur Ed, on était plus dans des tons de vert. Si je vais chercher à la pastèque ce que vous avez fait avec India Desjardins, on est dans des verts sépia. J'ai l'impression que chaque livre a un peu sa tonalité, son ambiance, sa couleur. Oui, ben c'est un peu inspiré par ce que les directeurs font dans le cinéma, qui est de vraiment de choisir une palette quand même assez restreinte. Penser Wes Anderson un peu, qui en 5 couleurs peut-être on peut vraiment expliquer c'est quoi le ton de cette scène, qu'est-ce qu'on veut sentir. Des couleurs chaleureuses, ben ça fait une ambiance très positive, ou une plus froide, ben c'est très sérieux. Alors c'est vraiment d'utiliser les couleurs à leur complet potentiel afin de vraiment mettre en scène ce qui est en train d'arriver. Et dans Toucania, dans ce sens-là, pour moi, en fait, les couleurs que vous avez choisies, ça, je sentais beaucoup de douceur, en fait. Je sais pas, beaucoup de douceur, puis de calme, puis une sérénité, en fait, voilà, une sérénité dans ce qui ressortait du choix de couleurs. C'est vraiment belle rose. C'est une couleur qui est traditionnellement très féminine, mais aussi qui est une couleur assez unique dans l'univers, parce qu'on ne le voit pas beaucoup souvent dans la nature, et même d'autres animaux ne sont pas capables de voir le rose. Alors, malgré que cette île est tellement exotique et tellement colorée, ben, peut-être les animaux ne voient pas ça. Ils sont juste en train de survivre dans la brume. Et ça fait une ambiance qui est plus éthérée. Si je compare au jardin invisible avec le vert, on était beaucoup plus foisonnant, une couleur qui était d'une certaine façon beaucoup plus présente aussi, j'imagine qu'on sert justement une autre ambiance dans la mesure où on est dans deux invitations au voyage, dans les deux cas, mais deux types de voyages qui sont quand même différents dans le fond d'une certaine manière. Absolument, absolument. Alors, comme ça, comme dans le jardin infini, c'est vraiment de prendre en compte ce qui existe déjà sur la Terre. C'est la nature qui existait, des plantes, des dinosaures, tandis qu'avec avec Titania, et c'est des couleurs inventées parce que c'est des animaux inventés, alors ça fait quelque chose de assez spécial. Et donc, on fait les esquisses, on travaille sur papier. Éventuellement, j'imagine qu'on se lance toujours sur papier dans le scénario-image, dans l'organisation du récit? Après, il y a la deuxième étape qui est de numériser le tout et je travaille aussi beaucoup à l'ordinateur parce qu'on veut tenir la valeur du undo. Oui, le CTRL-Z de son impact. Il faut toujours au moins se mettre sur Photoshop un petit peu. Et j'imagine qu'il y a quelque chose, il y a un plaisir à démarrer sur du concret, sur du papier, avant de virtualiser le papier. Un esprit qu'on perçoit comme créatrice ou vous avez l'impression comme lecteur aussi qu'on crée une expérience qui est une texture qui est haute parce qu'on démarre justement avec le papier? Parce que c'est comme quand on va au musée pour voir des personnes qui sont le coup de pinceau, la dent du papier, l'intensité des couleurs en personne. C'est une présence qui est importante à transmettre, même quand il faut numériser et imprimer en grande quantité, parce que c'est ça le médium de la publication. Mais ça donne au public le plus possible pour venir chercher « Ah non, mais c'est une personne qui a fait ça, puis c'est un univers pour vous de découvrir ». Et dans le contexte de Toucania, donc si on reste un peu dans les couleurs, dans le fond, les éléments de rose, les bleus, les teintes pastel viennent trancher aussi avec certaines créatures, certains éléments qui sont en noir, qui ressortent peut-être un peu plus, qui donnent une impression de dimensionnalité, à la limite de profondeur aux images. Oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé le noir joué avec l'espace positif et l'espace négatif, et le noir, ça, c'est la couleur la plus forte pour utiliser ça. Alors, la silhouette d'un arbre, on sait tous à quoi ça ressemble, un arbre, alors on n'a pas besoin de mettre tant de détails si on fait une forme qui est très, une silhouette très nette. Et côté création aussi, si je m'amuse à faire des parallèles, bon, c'est les deux plus récents que j'ai lus, donc c'est peut-être pour ça que je m'attarde un peu plus à ces deux-là. Mais dans le fond, d'un côté, de ce que j'en comprends, donc Toucania est démarré un peu avec l'idée, les jeux de mots, l'abécédaire, et inversement avec le jardin invisible, les mots se sont ajoutés suite à la création du récit. Donc c'est les images qui ont amené les mots. Donc on joue un peu aussi avec les dynamiques de relation entre le texte et le visuel. Oui, c'est vrai, c'est justement l'opposé du jardin invisible. On a commencé avec beaucoup, beaucoup de textes, puisque je savais à quoi déjà cet univers ressemblait, alors pas besoin de faire trop d'images. Mais c'est ça, et ensuite les images sont venues et Valérie Picard est venue rajouter du texte justement pour que je puisse me concentrer sur les dessins. C'est complètement différent du jardin invisible, mais ça donne tous les deux des résultats complètement uniques et dont je suis vraiment, vraiment très fière. Oui, puis dans lequel on reconnaît l'esprit d'unicité, donc la manière, le trait, la manière d'aborder le trait reste commune, mais qu'on, justement, parce que j'imagine on a une approche de dessin qui est solide, ben on peut les distinguer, les éclater au niveau des ambiances, puis se permettre justement de créer des expériences différentes pour le lecteur. Oui, exact. Et plusieurs projets, évidemment, fait en parallèle. J'imagine que vous en avez plusieurs en cours aussi au moment où on se parle. Oui, pas mal. 2018 a été une année vraiment très occupée et 2019 va être un peu plus, plus occupée. Alors, moi, je ne me plains pas parce que ce que j'aime, c'est vraiment dessiner, c'est de créer des univers différents et de faire des choses qu'on ne voit pas souvent et d'ajouter du design et de la couleur dans les expériences pour les enfants, que souvent, c'est juste on veut faire quelque chose de coloré pour les terres ou pour pour les récompenser pour faire ses devoirs. Alors non, mais il faut leur donner de l'art, il y a de la valeur. Et on invite les gens à aller découvrir ces univers-là que vous leur proposez dans les différents ouvrages. Marianne Ferrer, merci beaucoup. Ah, merci à vous et vraiment merci pour me parler et m'appeler. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Okay. Merci, vous aussi. Alors, je rappelle Marianne Ferrer qui nous a offert donc ce Toucania tout récent, donc du côté de Monsieur Ed. On a aussi parlé un brin du Jardin Invisible, qui est son précédent, toujours chez Monsieur Ed. Alors, deux ouvrages en fait à découvrir là, de mon côté. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un de mes coups de cœur côté illustration jeunesse dans les derniers mois, les dernières années et plus. Alors, je vous incite fortement à la découvrir. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on aura Julien Paris-Sorel qui viendra nous parler de son aventure Ozar. On aura Thomas-Louis Côté également qui va nous présenter la web-série, la BD à voix haute. Alors tout ça et plus vendredi prochain. D'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.